Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous, bienvenue à ce journal. Deux grands titres, Léonce Nguenda-Koumana, président du parti Sawania Frodebou, confirme sa participation pour parler interburundais de paix, qui reprennent ce mardi à Arusha pour défendre le respect de l'accord d'Arusha et la constitution burundaise, nous dira-t-il. Il estime que ces négociations pourraient être rapatriées au Burundi, mais que l'étape d'Arusha est en préalable. Le président de l'Olicom, Gabriel Ruffieri, nous fera part également de sa satisfaction de l'entretien qu'elle a eu avec le médiateur Benjamin Mkapa. Les dirigeants africains se rencontrent pour un sommet de l'Union africaine à partir du 16 juillet à Kigali. Les réunions préparatoires débutées ce dimanche dans la capitale rwandaise se penchent sur un probable retrait des pays membres de la Cour pénale internationale. Maître Fabien Segatois nous dira comment ce serait une grave erreur de leur part. Une position partagée par d'autres ONG africaines et internationales de défense des droits de l'homme. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonsoir, un corps sans vie a été retrouvé au quartier Gikungu dans un caniveau à la jonction du boulevard du 28 novembre et de l'avenue menant vers l'université Lumière de Bujumbura, non loin du pont de la République. Des informations sur place disent que le corps a été jeté à cet endroit par un véhicule aux environs de minuit au samedi. Le porte-parole de la police nationale explique que cette personne n'a pas été identifiée et affirme qu'elle est morte étranglée. Pierre Mourikiye fait savoir que les enquêtes ont déjà commencé. Le parti Sawania Frodebou répondra au prochain dialogue en tant que parti du Sénared et mettra en avant le respect des accords d'Arusha et la constitution, déclaration faite par Léonce Nguenda-Koumana, président de ce parti, qui affirme que le Sénared a été invité car ses composantes sont invitées. Le parti Sawania Frodebou répondra dans le cadre de cette grande organisation dénommée Sénared. Pourquoi? Parce que le Sénared a déjà un projet de paix, a déjà un document contenant ce que pourraient être les négociations globales et inclusives. Et nous sommes conscients au niveau du Sénared que les souffrances du peuple burundais doivent être arrêtées le plus rapidement possible. Le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays, le rétablissement de la confiance dans le pays doivent être les priorités du pouvoir de Bujumbura et de l'opposition. C'est-à-dire qu'en négociant dans le cadre du pouvoir du Sénared, ça présente trois avantages importants. Le premier avantage, c'est que les négociations deviennent très rapides. Et deuxième avantage, elles deviennent plus efficaces. Troisième avantage, elles exigent moins de moyens. Vous comprenez? Alors que répondre comme parti politique, ça ne servirait à rien dans une multitude de 40 partis politiques. Dernièrement, le Sénared n'avait pas été invité comme Sénared. Est-ce qu'aujourd'hui, l'invitation a été donnée au Sénared de bien ses composantes? Le Sénared est formé par plus de 20 partis politiques. Si tous ces partis ou ces délégués sont invités, c'est le Sénared qui est invité. Le Sénared, ce n'est pas uniquement à nous, c'est sa composition, c'est les partis qui le composent. Le parti Sawania Frodebou est pour le rapatriement du dialogue inter-burundais. Léonce Nguenda-Koumana a dit qu'il faut d'abord la phase d'Arusha pour la maîtrise de la situation sécuritaire et le rapatriement des exilés. Il faut obligatoirement que ces négociations, que cette première phase de négociation à l'extérieur du pays, sous la médiation internationale, ne dépasse pas 2 mois. Parce que nous n'avons pas à renégocier l'accord d'Arusha. Nous n'avons pas à renégocier la Constitution. Nous allons négocier la réhabilitation de l'accord d'Arusha et de la Constitution, qui sont les piliers de la paix et de la démocratie au Burundi. Et de cette manière, nous allons nous entendre sur comment très rapidement arrêter ces violences qu'on observe dans le pays. Est-ce qu'ils sont invités? On voit que ce sont des politiciens. Est-ce que la crise va trouver solution alors qu'il y a encore des forces négatives qui se sont déjà déclarées? Peut-être qu'ils n'ont pas été invités. Il faut plutôt les chercher et négocier pour que la voie de la guerre, les solutions militaires soient abandonnées définitivement et complètement par les Burundais. Il y a certains qui proposent un rapatriement du dialogue. Et quant à vous, au niveau du Sénared, quel est votre avis? Le dialogue sera obligatoirement rapatrié dans le pays parce que l'accord d'Arusha et la Constitution sont très clairs sur cette question. Chaque fois qu'il y a un problème, on doit engager un dialogue, on doit négocier et lui trouver ou leur trouver des compromis, des solutions. Donc, il n'y a pas de dialogue au Burundi. Il y a un seul dialogue qui doit être mené en deux phases. La première phase doit être menée obligatoirement et impérativement à l'extérieur du pays, sous la médiation internationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande partie des Burundais et qui ont assumé de grandes responsabilités dans ce pays et qui savent pourquoi cet accord d'Arusha et cette constitution ont des difficultés aujourd'hui, qui doivent être écoutées. Cette phase va permettre certainement à l'arrêt des violences. Cette phase va résoudre tous ces problèmes et après, on devra rapporter le dialogue à l'intérieur du pays. Je vous l'avais dit, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques se dit satisfait de son entretien avec le facilitateur dans le dialogue interburundais. C'était ce vendredi. Gabriel Rufsiri a indiqué que c'était dans le cadre des rencontres que Benjamin Mkapa organise avec les acteurs clés dans sa facilitation. Il ajoute qu'il lui a expliqué la position de la société civile du Burundi et les problèmes qui hantent les Burundais comme la pauvreté et l'insécurité. William Benjamin Mkapa a rencontré plusieurs acteurs, mais n'avait pas encore rencontré donc les acteurs de la société civile. Je lui ai demandé que tous les acteurs clés puissent être invités dans le dialogue inter-burundais. Après avoir donc lui expliqué ce que c'est l'ORICOM, ce que c'est la société civile, ce que c'est les médias, je lui ai demandé donc de nous considérer comme des acteurs qui ne milite pas pour le pouvoir, mais qui milite pour être mieux gouverné. Je lui ai aussi expliqué les questions qui hantent le Burundi, les violations de la loi, l'accord d'Arusha, la constitution. Je lui ai expliqué aussi les conséquences de cette crise qui hante le pays, et notamment la pauvreté, la misère qui guette le Burundi, la question de corruption, la question de la de violation des droits de l'homme, la question des réfugiés, la question des médias, la question de liberté de la presse. Donc, je lui ai expliqué tous les problèmes qui se trouvent dans notre pays et je lui ai demandé car ici de ce dialogue, qu'il soit établi une commission indépendante qui va faire le suivi dans le but de garantir ce qu'on s'est convenu, parce qu'on a dit que par rapport à l'accord d'Arusha était comme un enfant orphelin qui a été abandonné. Mais aussi par rapport à ses invités, par ailleurs, il posait la question de savoir pourquoi Pierre Claver Mbonimpa n'était pas invité. Par après, il a eu déjà l'invitation. Gabriel Rufsiri qui souligne que l'ORICOM a préparé, comme d'autres invités pour ces discussions, un document complet comprenant les causes, les conséquences et les solutions à la crise burundaise. La récrimination contre la Cour pénale internationale, c'est qu'elle s'est focalisée sur les actions criminelles commises en Afrique principalement. C'est l'analyse de maître Fabien Segatkwa. Il indique que tous les crimes doivent être sanctionnés. Fabien Segatkwa est contre le retrait des pays africains de la CPI, car selon lui, ces pays africains resteraient immunisés contre les crimes commis par les dirigeants africains. Toutefois, Fabien Segatkwa propose la création d'un tribunal international pénal par la création d'un tribunal pénal international pour sanctionner les actions criminelles qui seraient commises sur les territoires africains. Alors, est-ce que il y a un avantage au retrait des pays africains? Je crois qu'il y a plus de désavantages que d'avantages, parce que il ne faut pas que les pays africains se retirent pour devenir immunisés contre les crimes qui pourraient être commis par les chefs d'État des pays africains ou les gens qui gouvernent les pays africains. Il faudrait plutôt, si on veut se retirer, créer alors un autre tribunal pénal international pour sanctionner les actions criminelles qui seraient commises sur les territoires africains. Alors, en ce moment-là, ça pourrait peut-être être un avantage que des Africains, peut-être aidés par des autres juges d'à travers le monde, puissent effectivement sanctionner les crimes qui se commettent sur le pays africain, parce que finalement, lorsqu'on regarde avec des yeux assez, disons, réalistes, il faut quand même dire que à travers les pays africains, c'est là où on voit qu'il y a des crimes, surtout commis contre les partis d'opposition, parce qu'un chef d'État qui arrive au pouvoir, on a l'impression qu'il devient tout puissant et qu'il peut se permettre tout. Et alors, il faudrait qu'il y ait des régulations, parce que même la charte de l'Union africaine met en avant le respect des droits de l'homme. Donc, il faut que les droits de l'homme soient respectés à travers tous les pays, parce que finalement, il serait impossible de croire qu'on est en train de se développer alors que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Parce que finalement, si on construit sur des violations des droits de l'homme, eh bien, tôt ou tard, ces constructions-là seront absolument détruites parce qu'on ne peut pas être éternel au pouvoir. Maître Fabien Segatois, joint au téléphone par Médard Niyonkuru de son côté. La mère Nigarura, avocat et président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, et a expliqué sur RFI que la CPI constitue un espoir pour les peuples africains victimes de crimes graves, car étant la seule en mesure de s'attaquer à des personnages haut placés que les justices nationales ne peuvent pas parfois atteindre, parce que ce sont des personnes puissantes, des personnes qui ont une armée, une police, une milice. Et si aujourd'hui, ils veulent se donner une immunité, c'est-à-dire que ce sera, bonjour, l'immunité, conclut-il. Un point de vue partagé par l'érythréenne Elisabeth Serum, présidente de l'association Human Rights Concern Eritrea, qui milite pour la saisine du procureur de la Cour, alors que son pays d'origine est accusé par l'ONU de commettre des crimes contre l'humanité, contre sa propre population. Précisons que cette question d'un éventuel retrait des pays africains, membres de la Cour pénale internationale, est au menu des discussions dans les réunions préparatoires au sommet de l'Union africaine prévues du 16 au 18 juillet au Rwanda. Des réunions qui commencent dimanche 10 juillet à Kigali, dans tout le flambant neuf, Kigali Convention Center. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Des nouvelles brèves des provinces avant de vous parler de la Miss Burundi 2016. Plusieurs points de la route reliant Makamba à Ururi sont menacés de coupures sous l'action érosive des cours d'eau et des eaux de ruissellement. Les usagers de cette route craignent le pire si rien n'est fait d'ici le début de la saison pluvieuse. Le directeur général de l'Office des routes rassure que des travaux de réhabilitation des points critiques ont déjà commencé. Grogne des habitants de bon nombre de collines de la zone Mivo en commune et province Ngozi. Ils disent avoir des problèmes d'enterrer les leurs après la fermeture du cimetière de Mirango par l'administrateur communal. Songambele Rajawu dit que cette mesure provisoire a été prise parce que le cimetière appartenait à un particulier qui faisait payer de l'argent alors que la loi l'interdit. Toujours en Ngozi, une maison et tout son contenu ont été réduits en cendres hier soir au chef-lieu de la province. Le camion sapeur-pompier de la police est intervenu mais n'a pas eu de passage suite aux constructions anarchiques. Une autre maison appartenant au directeur général de la société Boudjestad, opérant dans le secteur du café, a également pris feu avec tout le contenu. Les deux indiquent que l'origine de ces incendies est la surintensité du courant électrique de la régie des eaux. Et après plus de 3 semaines de production de sucre par la Sosumo pour cette campagne, le sucre reste une denrée rare dans la province de Lutana. Et même dans la commune de Bukemba où est implantée cette usine sucrière. Une situation qui ne manque pas d'étonner plus d'un. Le gouverneur de cette province promet de sévir contre les spéculateurs et précise que le kilogramme de sucre ne devrait pas dépasser 1900 francs burundais dans sa circonscription provinciale. 12 des 16 jeunes filles en compétition des demi-finales Miss Burundi 2016 sont aujourd'hui connues après la compétition d'hier qui était très acharnée. Pour le responsable de la communication de Miss Burundi 2016, André Akizimana, c'est une grande réussite pour le Burundi puisque cette compétition reprend après 3 ans d'absence et que la campagne de la gagnante de la finale pourra participer en décembre prochain dans d'autres compétitions réunissant d'autres pays d'Afrique et du monde. Pour les détails, Christian Savier. Sous le regard attentif du jury, les jeunes filles en compétition faisant le tour de la piscine, marchant doucement mais sûrement, toutes souriantes, montrant ce qu'elles ont dans les veines, mettant en valeur leur beauté physique et morale, puisqu'elles devraient bien répondre aux questions du jury. et bien sûr très bien habillée. André Akidimana et le chargé de la communication de Miss Burundi 2016 parlent d'une victoire pour le Burundi. Plusieurs gens se disent, c'est pas encore le temps, il ne fallait pas organiser un événement pareil. Mais nous on se dit à Miss Burundi, organiser un événement Miss Burundi, c'est aussi renforcer cette cohésion, chercher à renforcer la cohésion et l'unité des Burundais. Oui, il y a plus d'une année, le Burundi est plongé dans une crise politico-sécuritaire. On a aussi des atouts au Burundi, on a aussi des belles filles, on a aussi des filles intelligentes, on a aussi une culture à promouvoir ici au Burundi. Donc on s'est dit, il faut y aller, il faut tenir bon. Donc dans ce contexte burundais qui est difficile, on s'est dit, on doit le faire, on doit montrer, nous on doit y arriver. Le Burundi doit être représenté dans d'autres compétitions pareilles. Nous voulons que le Burundi soit représenté cette année dans Miss Africa, dans Miss United Countries au mois de décembre prochain. Donc, la fille, la Miss qui sera élue portera les couleurs du Burundi dans ces compétitions internationales. On veut que cette compétition Miss porteur d'espoir pour le Burundi en matière de tourisme. La Miss qui sera élue sera ambassadrice du Burundi dans ces pays. Elle devra aider pour attirer les touristes, les investisseurs dans notre pays. Sachez que la finale est prévue samedi le 23 juillet 2016. Merci Christian Savier. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Toussaint Mitebouti pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, une très bonne soirée chez vous.